La Corée a mis au monde des affiches illustrées qui invitent tous les militaires et civils au relèvement des régions septentrionales sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Les affiches encouragent les militaires et civils qui manifestent dans le monde l'esprit invincible de la Corée du Tse et du peuple héroïque au rétablissement, premier objectif de la campagne de 200 jours.